Les cierges, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les cierges. Ongles de feu, cierges, ils s'allument les soirs. Doigts mystiques dressés sur des chandeliers d'or, à mince et jaune flamme, dans un décor, et de cartels et de blasons et de draps noirs. Ils s'allument dans le silence et les ténèbres, avec le grésil bref et méchant de leur cire, et se moquent, et l'on croirait entendre rire les prières autour des estrades funèbres. Les morts, ils sont couchés très longs dans leurs remords, et leur linceul très pâle, et les deux pieds dressés, en pointe, et les regards en l'air et trépassés. Et repartit chercher ailleurs les autres morts. Chercher, et les cierges les conduisent, les cierges, pour les charmer et leur illuminer la route, et leur souffler la peur, et leur souffler le doute, au carrefour multiplié des chemins vierges. Ils ne trouveront point les morts aimés jadis, ni les anciens baisers, ni les doux bras tendus, ni les amours lointains, ni les destins perdus, car les cierges ne mènent pas en paradis. Ils s'allument dans le silence et les ténèbres, avec le grésil bref et méchant de leur cire, et se moquent, et l'on entend gratter leur rire autour des estrades et des cartels funèbres, ongles pâles dressés sur des chandeliers d'or. Fin de Les cierges.